Salut. Pourquoi t'es venu ici? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ça n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. Le beau bruit de crayon qui tape la table. Oui, oui, parce qu'on est content de réécouter ce très beau générique. Allez, tout de suite, sans transition, avant d'écouter notre parloir avec une série inédite d'Apple TV+, ça s'appelle La dernière chose qu'il m'a dite. Alors, le titre n'est pas terrible, mais la série est plutôt sympa. Je vous en parle dans quelques instants. On commence par une nouveauté. Et là, elle est toujours là, Kylie Minogue. Elle était là quand on était jeune, quand on était ado. Elle nous faisait danser sur du Stock Aitken Waterman. Eh bien, où est le temps là? Eh bien, 30 ans après. Ça ressemble à du Stock Aitken Waterman. Ah bah non, elle a un peu évolué. Mais sa bouche, c'est toujours disco. Elle a fait un petit tournant disco depuis le dernier album. Dans Destination Série, je voudrais quand même reproposer quelques titres. C'était quand même pas mal. Ah, les Stock Aitken Waterman. Ah oui, c'était bien. Alors, d'artiste en artiste, c'était toujours un peu pareil. Tu disais, c'est un peu comme James Bond, les Stock Aitken Waterman. Ah, tu te vois là. Voilà, tu disais, ah, ça, c'est les deux frères. Ça, c'est du Stock Aitken Waterman, ouais. Et donc, voilà. Donc là, et puis les Stock Aitken Waterman, d'ailleurs, ils sont plus de ce monde, d'ailleurs. Il y en a au moins un des deux qui est mort. Ah ouais. Voilà. Donc, un album qui va sortir à la rentrée. Premier extrait, ça s'appelle Padam, Padam. Aucun rapport avec l'Eurovision. Ah ouais, parce que moi, je me suis dit, Barbara Pravi va est dans la chanson. Non, non. C'est un duo. Ni Barbara. Ni Edith. Ni Edith, ni l'autre. Ah oui, oui. Il faut surtout pas, non. Je te remercie de suivre la règle. Et pour l'instant, on tient. Non, parce on que est là, bon. On l'aime bien, mais là, ce qu'elle a fait, on aime moins bien. Tout de suite, donc voici Kylie Minogue. Kylie Minogue. Elle ne fait pas que des chansons de Noël. Padam, padam. Non, mais c'est fait de la disco aussi. Allez, vas-y, Kylie. I'll be in your head all weekend. Padam, Padam, le nouveau Kylie Minogue pour ambiancer vos débuts de soirée, voilà, pour cette fin de printemps. La vie, la nuit. Non, t'as dit début de soirée. Non, mais c'est vrai que là, par rapport à Mylène Farmer, tu vois, il y a quelque chose. Oui, oui, c'est... Et encore, je trouve qu'il est moins... Il est vraiment... Oui, ça fait un peu de truc de nuit, quoi. Voilà, c'est moins... Oui, c'est pas... Il n'y a pas une envolée. Quoi. Voilà, mais... moins chantonnant mais... comme on a l'habitude, ouais, mais... il y a quelque chose. Je veux dire... Au niveau du son. Oui, et à l'écoute. Oui. C'est, ouais, c'est un truc qui, tu vois, te rentrer dans la tête quand tu l'as écouté plusieurs fois. Moi, ça fait déjà 3-4 fois que je l'écoute. Effectivement, au début, je dis bof, mais à la fin, padam, padam, tu vois, on se... voilà. Il y a un truc, alors que... Il y a un truc. Il y a une certaine artiste, c'est ronronnant du début jusqu'à la fin. Mm. Allez, sans plus attendre, la série du parloir de cette semaine, la dernière chose qu'il m'a dite, c'est une série sympathique à découvrir sur Apple TV+. Je vous en dis plus, justement, tout de suite. Ça tombe bien, hein. Eh. Plus plus. Eh, ça fait... Monsieur Plus. Ça ira mieux demain. L'émission. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me. Let's fly away. Cette nouvelle série d'Apple TV+ est avant tout un livre de la romancière américaine Laura Dave, qui co-signe d'ailleurs le scénariste de ses 7 épisodes. Et si la personne que vous aimez le plus était celle que vous connaissiez le moins? Le pitch n'est pas nouveau et fait penser à la patte d'Harlan Coben, le maître du roman policier américain. Avant de disparaître, Owen Michaels fait parvenir un mot à son épouse Anna, lui demandant de protéger sa fille de 16 ans, Bailey, avec laquelle elle entretient des rapports conflictuels. Et aussi un sac bourré de dollars. Tandis que les appels d'Anna à son mari restent sans réponse, que le FBI arrête le patron d'Owen, que des agents de police font éruption chez elle à Sao Lacito, Anna comprend que son mari n'est pas celui qu'il prétendait être. Malgré leurs différences, Anna et Bailey vont devoir s'unir pour découvrir la vérité. Mais rassembler les pièces d'un puzzle de l'existence passée d'Owen n'est pas sans conséquence pour leur propre existence. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll be... Anna est la belle-mère de Bailey, qui a 16 ans. Depuis un peu plus d'un an, elle est mariée donc. Et malgré la meilleure volonté du monde, Anna n'arrive pas à trouver sa place. Ses tentatives pour se rapprocher de la jeune fille sont toujours à côté de la plaque. Pourtant, le jour où le patron d'Owen, celui grâce à qui ils se sont rencontrés, se fait arrêter, et que son mari a choisi de fuir, lui laissant pour seule instruction de protéger sa fille, sa vie bascule. À partir de là, un engrenage infernal se met en place. Tandis qu'Owen est soupçonné d'un détournement de licence et de fonds dans son entreprise, le FBI et un marshal d'Austin viennent enquêter sur lui. Anna, désemparée, ne comprend pas ce qui lui arrive, mais elle se refuse à une attitude passive face aux événements et va donc embarquer Bailey dans une enquête complexe sur les traces d'Owen à Austin. Pour Anna, cette fuite cache autre chose, car à moins que sa fille soit en danger, il aurait affronté ses responsabilités. Les deux femmes vont alors devoir faire front. Pour elles, ce n'est que le début d'un jeu de piste qui va mettre à mal leurs convictions. Qu'est-ce qui te définit ? Je te pose la même question. J'ai demandé avant. Je ferai n'importe quoi pour ma fille. Madame Michaels ? Monsieur Michaels m'a demandé de vous donner ça. Désolée, madame. Personne n'entre. Mon mari travaille ici. J'aimerais pouvoir lui parler. Ça fait 24 heures que je n'ai pas de nouvelles de Wayne. Où est mon père ? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça va ? J'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Owen Michaels n'est pas celui que vous croyez. Pourquoi vous parlez de mon mari comme d'un brillant cerveau criminel ? Je ne peux pas te dire ce que ton père a fait, mais je sais qui il est. Il m'a menti et il a disparu du jour au lendemain. Je veux savoir la vérité. Je te promets qu'on va le retrouver. Tu dois quitter Austin maintenant. Où vous avez eu ça ? Dites-moi qui vous envoie ! Attends, maintenant ! Anna et sa belle-fille sont en danger de mort. Dis-le au procureur. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu me caches ? Qu'on reste ensemble. Come now, child, the day is long. Hide not yourself from me. Angels sing the final song. Silence will turn to sleep. Will bend the proudest ones and change up your symmetry. Une série très addictive où le suspense est parfaitement maîtrisé avec de nombreux rebondissements. On retrouvera les inévitables retours dans le passé à la recherche de souvenirs pouvant aider les héroïnes à comprendre ce qui s'est passé. Ils nous permettent aussi de comprendre le cheminement d'Anna et s'intègrent parfaitement dans l'histoire. Anna est un personnage touchant qui se révèle très forte dans cette adversité. Quant à Bailey, on la trouve plutôt juste. Côté casting, on retrouve avec plaisir Jennifer Garner. Lorsque l'on collectionne une telle série d'échecs critiques ou au box-office, une série avec Jennifer Garner devient presque une curiosité. L'américaine Jennifer Garner, rappelez-vous, autrefois l'héroïne des 5 saisons d'Alias entre 2001 et 2006, un énorme succès, avait depuis fait pas mal de retours ratés à la télé comme au cinéma. Ce n'est pas ce canevas tortueux et alambiqué sur le modèle des intrigues d'Aaron Coben qui fait la force de la série. Loin de là. On nous a déjà trop fait le coup du tableau idyllique qui vole en éclats et des familles qui révèlent de nombreux secrets. L'intérêt de la série est ailleurs. D'abord dans la manière très efficace dont ce scénario est mis en scène, car aux manettes, on trouve notamment Olivia Newman, une réalisatrice pas forcément très connue, mais à qui l'on doit Là où chantent les écrevisses, dans un autre style complètement différent. Et la cinéaste turque Deniz Gamze Erküven, qui a signé notamment Mustang, donc des séries qui n'ont rien à voir, des films qui n'ont rien à voir. Toutes deux laissent beaucoup de champ aux deux comédiennes de la série, et c'est plutôt une réussite. La jeune Australienne Anguri Rice, vue notamment dans les récents Spider-Man, excelle dans la bouderie adolescente qui va virer progressivement à la sidération puis à la colère. Elle forme un magnifique duo avec Jennifer Gartner, tout en acharnement digne du début à la fin. Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of time travel. Prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun. Grâce à une finesse de jeu qu'on ne lui a pas connue depuis longtemps, Jennifer Gartner est formidable en quinca protectrice qui va faire passer par amour l'intérêt de sa belle-fille avant le sien. À 50 ans et après de nombreux comebacks ratés dans des comédies ou des films d'action, Jennifer Gartner redoue donc avec ce talent qui l'a rendue populaire au temps lointain d'Alias. Le mari n'est pas mal non plus, joué par Nicolas Kostner-Waldau. Rappelez-vous, le beau gosse de Game of Thrones. Alors, direction Apple TV+, disponible désormais sur les chaînes du groupe Canal+, pour nos retrouvailles avec Jennifer et une série polar tout en introspection. Who am I? Rambling at my reflection in the rearview light. Following a stranger praying for a fight. The strength to get back on my knees again. This light glowing neon in the corner of my mind burns and burns but leaves no warmth behind. I kinda wish you'd just done it in the dark. Oh my God, we're here again. It all slows down to lines in the sand. Will I give out only that in which I myself was given? Where is all the mercy that was promised us? Perhaps we ask too much. Could have just as well been me. Brought before them head down in that midday heat. Only defined by my most heinous deed. Trace a finger through the dust. Très belle série à découvrir sur Apple TV+, avec le plaisir de retrouver Jennifer Gartner, qu'on n'avait pas vue depuis bien longtemps en série, et dans une série qui lui va comme un gant. Une belle série que je vous conseille donc. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en ce moment en matière de série, en matière de nouveautés, remis peut-être sur Netflix à la fin du mois. On a quand même Foubar, non, qui arrive. Hein? On n'a pas Fubar qui arrive avec Arnold Schwarzenegger? Ouais, mais enfin bon... Bah Fubar, il va vous mettre le Fubar, c'est toi qui en avais parlé. Bah oui. Oui, mais enfin bon, voilà, c'est Arnold Schwarzenegger, bon... Bah c'est une série d'espionnage, enfin c'est un ancien espion qui... C'est quand qui que ça... C'est, j'ai pas ça sur mes tablettes, c'est quand que ça sort ça? Mais c'est pas ce week-end que, il arrive avec Fubar? Ah bah je m'étais connecté sur juin moi, alors c'est... Oui bah je ne sais pas, peut-être, oui mais ça m'a pas marqué, hein. En tout cas... Pourtant, si jamais il t'en met une, Arnold... Ouais, c'est clair. En tout cas, sur Netflix, vous verrez, pour tous les fans de Manifest, parce qu'il y en a encore, hein, c'est la deuxième partie finale de Manifest qui arrive le 2 juin. Vous avez aussi la saison 4 de Mes Premières Fois qui arrive le 8 juin pour tous les fans. Et puis, pour les fans, ils sont nombreux d'Outlander, la première partie de la saison 7, qui sera la dernière, hein, ça sort le 17 juin. Et puis donc, la première partie aussi de la saison 3 de The Witcher, pour tous ceux qui sont fans de The Witcher, évidemment. Alors, je cherche, mais... à moins que je me suis planté. J'ai pas l'impression parce que j'ai quand même pas mal balayé. J'ai pas vu de ce qu'on parlait de la série Fubar. Je peux regarder en live si tu veux aller. Attends, on va taper Fubar. C'est un drôle de titre quand même. Hein. Ouais. Alors, la nouvelle série d'Arnold est un naufrage. Oui, Fubar, le premier épisode, c'était le 25 mai aux États-Unis, mais ouais. Je suis pas sûr qu'elle soit déjà arrivée. Ouais. Elle est sur Netflix, ouais. Effectivement, mais je ne l'ai pas vue encore. Mais elle est sur Netflix France? Mais pas pour l'instant, hein. Pour l'instant, c'est plutôt un flop. Oui, c'est une première pour l'acteur et mannequin américain de jouer sur le petit écran. Il incarne un agent de la CIA dans Fubar. Une nouvelle série Netflix diffusée depuis ce jeudi sur la plateforme. Donc, elle a l'air d'être diffusée en France. Hein. Mais, écoute, on va chercher là-dessus. On va jeter un œil sur la plateforme Netflix. Donc je sais pas si Manon est à l'écoute, mais il va falloir qu'elle jette un œil. Voilà, sur Manon, Fubar. Connecte voir sur Netflix vite fait. Fubar, F-U-B-A-R. F-U-B-A-R. Arnold Schwarzenegger sur Netflix. Ça doit être sorti peut-être aujourd'hui. Hein. Si c'était hier aux États-Unis, c'est peut-être sorti aujourd'hui. Mais j'ai pas vu de publicité. Alors, si c'était un naufrage, si vraiment c'est pas bien, c'est dommage. Sylvester Stallone, de son côté, Tulsa King, c'est un bijou. Numéro 2 des séries TV aujourd'hui. Ah, quand même. Ah, donc ça. Et donc ça c'est peut... sorti aujourd'hui? Donc sur Netflix France. Je sais pas si c'est sorti aujourd'hui, c'est marqué 2023, donc je sais pas. Mais... T'as les épisodes? Tu dois avoir un épisode, puisqu'il y a. Combien? Les 8. Ah, ils ont sorti les 8. Ils ont mis les 8, voilà. Ah bon, bah ils ont sorti toutes les en même temps. Donc hier, voilà, grâce à Lorenzo, nous avons une info en direct. Lorenzo, toi? Oui. Bah le Lorenzo de tout à l'heure. Ah oui, excuse-moi. Il faut faire attention maintenant quand on dit. Grâce à Lolo, voilà. Nous avons une info en direct qui vient de tomber dans Ça ira mieux demain. Merci de cette précision. Tu vois, j'avais complètement zappé, mais bon, voilà, j'avais pas de. Bah, Arnold j'avais pas d'alerte. Quand même. Ouais, mais j'avais après, pas d'alerte. Mais après, tu vois. Après que ça soit bien moins. Voilà, tu vois, mon pif n'a pas vibré parce que c'est un four. Donc, ouais, il faut que mon pif vibre. Tu n'as pas Hercule à côté de toi. Voilà. Donc, qu'elle soit top ou pas, c'est quand même Arnold Schwarzenegger, Terminator. Ta mission, oui. Si tu l'acceptes, pour dans 15 jours, ouais. Jeter un œil sur Fubar. Ok, je regarde Fubar et je te dis ce que ça vaut. Avec Fubar, on se barre. Et ben c'est ce qu'on va faire. Et on a une pensée pour Raymond aussi. Hein. Oui, une pensée pour Raymond qui est parti lui aussi retrouver Tina il y a déjà un petit moment. Il est l'heure, hein, Monseigneur, comme dirait un autre qui est là-haut, Louis de Funès, Yves Montand, les deux d'ailleurs. 19h34 dans 25 minutes, le haut de 40, mais moi je vous laisse avec une grande dame. Elle s'appelle Céline. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, elle a fait un superbe hommage à Tina Turner. C'est un vibrant hommage de Céline Dion, puisque c'est Céline Dion dont on parle. Tiré toujours de la bande originale du film où elle joue son propre rôle. Ça s'appelle The Gift. Et attention, Donc, c'est une chanson animée ? Ça bouge un petit peu. Oui. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle The Gift. Attention, ça. C'est pas comme Kylie Minogue tout à l'heure. Hein. C'est pas Modern Talking. C'est pas Modern Talking non plus, mais c'est quand même un petit entrechat. Allez, hein, à tout à l'heure pour le haut de 40. N'oubliez pas les croquettes. Et dans 15 jours pour la dualité de nos deux émissions. Voilà. Et profitez bien du JDM vendredi prochain. Exact. Bye bye. Can love.